L'étoile d'Israël. Qui marchera pour nous? Dit le Dieu des armées. Qui parlera pour moi? Dit Dieu. Qui? Qui? Moi, Seigneur. Touche mes lèvres enflammées. Me voilà, je suis prêt. De Lamartine, méditation poétique. Honneur à qui reçoit du Dieu de l'harmonie la noble mission d'enchanter les mortels. Qui docte des servants des vierges d'Aoni encense leurs brillants autels. Heureux qui, dans son cœur, sent la muse secrète, qui du génie entend l'impérative voix lui crier « Accomplis ta mission, poète !» Soumis, obéis à mes lois. Et le poète élu, fils chéri du Parnasse, interroge sa lyre et, par de purs accords, prélude avec vigueur, plein du feu qui l'embrase, à de mélodieux transports. Bientôt à son regard sa tâche se déploie, de son siècle il lui faut sonder les passions. Dans un rythme flatteur que sa grande ombre ondoie vive en ses inspirations. Et tout rempli de l'œuvre où son destin l'appelle, il s'écrie, et soudain de magiques accents s'exhale à longs flots de sa lyre fidèle dans des versets éblouissants. Il s'écrie, inspiré, sa bouche prophétise, les sources au désert jaillissent à sa voix. Des hauteurs des lycons poétiques Moïse, il prescrit de nouvelles lois. Qu'il est grand le mortel divin hiérophante, l'enthousiaste pur par le ciel adopté, pour porter dans les cœurs pleins d'une foi brûlante le flambeau de la vérité. Mais quoi, la harpe sainte à ce dessein créé, silencieuse encore, semble à jamais dormir. Le poète oubliant sa mission sacrée, sourd ne l'entend-il point gémir? Faut-il qu'un autre lutte, dont des plaintes timides, exhalant ses regrets, réclame les accords dont l'heureux nourrisson des chastes aonides jadis fit retentir ses bords? Barde, toi qui fervent pour la Grèce expirante élevais dans les airs une sublime voix qui du plus saint devoir à l'Europe indolente dictait les imposantes lois, toi qui sais à la fois marier l'héroïsme à l'inspiration une sage vigueur, c'est à toi d'écraser le fatal athéisme, de briser son glaive frondeur. À toi qui sur Chios versais d'amères larmes, qui sur les mots des Grecs faisais couler nos pleurs, c'est à toi de tarir par des chants pleins de charme cette source de nos douleurs. Consacre dans une œuvre utile à tes semblables ton passage brillant sur la terre d'exil, dans les traits lumineux de chants impérissables, l'empreinte du sistre viril. Sonde, révèle-nous d'un siècle sans croyance le chancre meurtrier qui le ronge en sa fleur, qui dévore ses fils et pour toute espérance leur montre le néant moqueur. À ce généreux but, marchant avec audace, chantre devant tes pas, que de riches moissons! Au poétique chant marquant ta noble trace, pour ton lutte, quel sublime son! Au ressin, le bandeau, l'impérissable étoile, sur la prose penchée, ne courbe plus ton front. Laisse au froid érudit à soulever le voile qui recouvre un passé sans fond. Du barde d'Israël, la harpe radieuse, poète fortuné, brillant tes doctes mains, pourrais-tu, daignant ta tâche glorieuse, manquer à tes nobles destins? Oui, chantre aimé des cieux, ton siècle te réclame. Par le doute entraîné dans un chemin trompeur, trace-lui dans des champs, fruit d'une pure flamme, la seule route du bonheur. Et quand, là de chanter, tu reploieras tes ailes, laissant un nom fameux qui ne doit plus périr, à ton siècle léguant tes œuvres immortelles, tu te diras « Je puis mourir ». Juillet 1836.